Chapitre 45e. Secret de femme. Puis, Dolente, redevenant comme toute femme qui souffre, qui a peur, redevenant enfant, elle s'était laissée tomber à genoux devant Paulin Broquet qui devait continuer à taper sur le piano. « Écoutez-moi, dit-elle, vous m'avez toujours montré, sinon de la sympathie tout de suite, tout au moins de la pitié, lorsque les hasards de la vie m'ont mise en présence de vous. C'est vrai, madame. À Toulon, vous aviez deviné ma faute. Vous pouviez assurément m'arrêter, et vous ne l'avez pas fait. J'ai vu, j'ai compris que vous aviez pitié de moi. Je vous en ai gardé une reconnaissance sincère et fidèle. C'est vrai. Je vous en remerciais du fond du cœur. Mais j'ai compris que votre perspicacité, votre connaissance des êtres, votre bon sens se trouvaient secondés par l'inspiration de votre cœur, dont la bonté, la générosité sont connues. N'est-ce pas? Peut-être. Oui, vous aviez vu, deviné que je ne devais pas être une criminelle vulgaire, commune, la misérable habituelle. Il y avait autre chose en moi. Vous avez pressenti le mystère. Et vous m'avez laissé aller. Vous m'avez permis de rester en liberté, sans doute pour me voir agir, pour me surprendre, pour lire enfin mon secret. Ensuite, madame, le temps sans doute vous manqua pour poursuivre cette enquête, ou vous n'y avez plus attaché d'importance, ou vous attendiez occasion meilleure pour la reprendre. À présent, l'heure espérée a sonné. C'est moi qui vais, sans que vous me le demandiez maintenant, vous dire tout le secret de ma vie. Et vous y trouverez la preuve que votre esprit subtil ne se trompait pas, et que votre bon cœur n'était point dupe en ayant pitié de moi. Paulin Broquet, touchant toujours quelques notes, écoutait avec le plus grand intérêt la parole de la jeune femme. Madame Garitza reprit. Ma famille est une des plus honorables familles de Hollande. Mariée toute jeune, un peu contre mon gré, un homme dont la fortune séduisit mes parents, je n'eus dans cette union, où le cœur n'était point en compte, que déception et chagrin. Mon mari, bassement débauché, me traînait dans toutes les villes où l'on joue. Il perdit sa fortune, la mienne, ruinait sa famille, tous les miens, et se mit à vivre d'expédients, de tricheries, de vols, m'obligeant, moi, à le seconder dans sa honte. J'ai volé, monsieur. J'ai dû voler pour éviter souvent la prison à mon mari, pour payer ses dettes. J'ai volé. Or, un soir, dans un de ces hôtels cosmopolites des villes d'eau et de jeu, où mon exécrable mari m'entraînait, j'ai dû pénétrer dans l'appartement qu'occupait une femme étrangère, brune, d'une merveilleuse beauté exotique. Cette femme était parée comme une châsse, de perles, de diamants. Elle arborait surtout un collier d'une richesse inouïe. C'est ce collier, ce sont ces bijoux dont mon mari voulut s'emparer et que je dus aller prendre. Le coup était admirablement préparé. Mon mari s'était associé à une bande de voleurs internationaux. On m'avait placé comme femme de chambre dans le palace hôtel et mise au service précisément de la belle dame brune. Cette dame se donnait comme portugaise. Son mari qui l'accompagnait, Manuel Ortega, possédait au Pérou ou au Brésil d'immenses biens, des mines. Il paraissait avoir une fortune considérable. « Ce sont eux, sans doute, » fit Paulin Broquet, « qui aujourd'hui sont à Paris, la délicieuse comtesse Pepa d'Ortega et le brillant marquis Don Isigo Martolo. Oui, ce sont eux, je m'en doutais. Voulez-vous reprendre ?» Un jour, pendant que Manuel Ortega, sa femme et tous leurs amis faisaient une excursion, alors que la jeune femme brune avait laissé à l'hôtel, dans un petit coffre d'acier, la plupart de ses bijoux, je pénétrai dans la chambre, j'ouvris le coffre et m'emparai des bijoux. « Je vois la suite, » dit Paulin Broquet. « Quand vous vous retiriez, Manuel Ortega et sa femme se trouvaient dans la chambre et vous prenaient en flagrant délit. C'est cela. Ah, monsieur, si vous aviez vu les yeux cruels et railleurs de la femme brune, son air de triomphant mépris devant ma honte, et avec quelle insensibilité elle écoutait ma plainte, ma douloureuse demande de pardon, mes supplications de pitié. Alors, que fit Manuel Ortega? Il me fit écrire la reconnaissance de mon vol et me dit « Maintenant vous êtes à moi. Je vous ferai savoir quand j'aurai besoin de vous. Allez !» Et il me renvoya, me laissa partir, et n'eut plus, durant les quelques jours que je restais à l'hôtel, l'air de me connaître. Cependant, un soir, après une grande partie de jeu où mon mari et un acolyte essayèrent, mais en vain, de détrousser Manuel Ortega, le riche portugais entraîna mon mari dans un coin du grand hall où je me trouvais moi-même déjà. Il lui dit froidement tout bas, « Vous êtes, monsieur, un parfait imbécile. Quand on veut être avec moi, ce n'est pas contre moi qu'il faut travailler. Ou alors il faut être extrêmement fort, beaucoup plus que vous ne l'êtes. Voilà deux fois que vous essayez de me dépouiller. Une fois, vous avez voulu faire prendre les bijoux de ma femme. La seconde fois, vous voulez me prendre vous-même en trichant mon portefeuille. Vous avez manqué à tous vos engagements envers le maître. Tant pis pour vous. » Et quelques jours plus tard, demanda Paulin Broquet, on trouva votre mari assassiné dans quelque coin. Une semaine ne s'était pas écoulée que dans un infâme tripot, une querelle s'élevait, au cours de laquelle mon mari recevait un coup de couteau qui le tuait net. C'est bien sa façon d'opérer. Je reconnais la main du maître. Ensuite, j'étais libre désormais, veuve, mais sans aucune ressource. Ma famille, ruinée à cause de moi, mais à qui, en somme, je devais tous mes malheurs, refusa de me recevoir, de recueillir l'épave que j'étais, me rejeta. Alors, monsieur, alors, ne me faites pas dire sous quel poids de honte la vie me courba. J'étais jolie encore. Les larmes, les veillées, la souffrance morale n'avaient pas trop fatigué ma figure. Il fallut, pour vivre, que j'entendisse bien des voix me le dire. Puis, comme j'étais très musicienne, je voulais vivre de mon art. Je ne gagnais pas mon pain. J'entrai enfin en concert, ce départ ou ce refuge de la galanterie. C'est là qu'au hasard des engagements, je fis à Toulon la connaissance d'un jeune officier de marine. Il semblait attaché à moi et me promettait de me garder avec lui, de me sortir de cette vie dont j'avais horreur. C'est à ce moment que le maître est apparu et m'a mise dans l'obligation de lui obéir, en me menaçant de la reconnaissance de vol que j'avais écrite. Il m'obligea à lui livrer les documents que mon amant avait apportés à terre pour les travailler. J'ai cru que ces documents que mon amant apportait de façon si insoucieuse chez sa maîtresse ne devaient pas avoir grande importance. Pour garder cette vie de repos, pour assurer ma tranquillité, pour échapper enfin à l'existence de femme de music hall, de femme galante, j'ai livré au maître ces documents. Le reste, Paulin Broquet, vous le savez. Depuis, mon amant fut rembarqué. Je n'ai plus de ses nouvelles. Le maître m'a fait venir à Paris. Il m'a créé cette personnalité de Madame Garitza, m'a fait pénétrer dans un monde honnête, dans la bonne bourgeoisie parisienne, où, en donnant des leçons de musique, je gagne bien ma vie. J'ai retrouvé une existence paisible, de travail certes, mais de tranquillité et d'honnêteté. Madame Garitza s'arrêta un moment, puis, tendrement, douloureusement, elle reprit. Enfin, un soir, dans une maison amie où je me fis entendre, j'ai rencontré le colonel de Fongrive. Ce soir-là, il me sembla que les feuilles de honte se détachaient du livre de ma vie. Il me sembla que j'étais tout autre, et qu'une femme nouvelle, la femme que je voulais être, que j'aurais toujours été, naissait en mon pauvre être si longtemps accablé. Et je connus cette joie, non seulement d'aimer, mais de sentir qu'on m'aimait, ce bonheur, non seulement de vouer mon âme, mais de savoir qu'un cœur suivait le mien. J'en vins à oublier l'autre fois, à ne pas croire que ce passé avait été le mien. J'en vins à me dire que de tout cela je ne pouvais être accusé, qu'on ne devait pas m'en blâmer, puisque je ne l'avais pas voulu, pas cherché, et qu'au contraire, j'en étais la victime désolée. J'en vins à m'en croire digne, quand le colonel me parla d'amour, et je souris au ciel qui m'envoyait ce grand bonheur. C'est alors que le maître apparut. Oui, monsieur, c'est alors qu'il me fit savoir pourquoi il m'avait placé auprès du colonel, et qu'il me demanda de lui fournir les documents du détonateur Rimailo. C'est alors que, me révoltant et soutenu par mon amour pour le colonel, j'ai refusé d'obéir au maître. Douloureusement, Madame Garitza ajouta, « Maintenant, monsieur, vous connaissez toute ma vie, tous mes pénibles secrets. Vous savez quelle a été ma conduite, et ce que je fais, croyant racheter un passé qui m'est odieux. Si le maître me châtie, vous saurez quelle parole dire à celui que j'aime, pour qui je donne ma vie, afin qu'il garde de moi un bon souvenir et qu'il ait pitié de celle qu'il a tant aimée. »